Quelles inventions sont réellement tirées d'un imaginaire n'ayant pas d'exemple existant déjà dans la nature? En se posant cette question, on fait le constat que les inventions vraiment originales sont très rares, ou peut-être même inexistantes. Les stratégies de la vie sur Terre ont tellement d'avance sur l'espèce humaine qu'énormément de solutions préexistaient à notre apparition. La plupart des inventions ne sont que des perfectionnements de fonctions observées dans la nature, même si la source d'inspiration est parfois très éloignée. Par exemple, le très prosaïque marquage de territoire d'un animal porte en même temps les idées d'outils de communication, de mise en mémoire d'un message et de signature de l'identité de l'émetteur. Il s'agit donc du précurseur de l'invention de l'écriture.